Espérance. Dis-moi. Ah, c'est en bagaille. Oui, en belle bagaille. Qui qu'a vive Adam en yish pontier. Passe. Qui vent souffler. Qui l'orage pété. Il pas qu'à mort. Alors, frère-moi, pas laisser y pâtir. Djembe y fort. Passe la vie à presse finie. Et grand-papa, presse viré. Mais où? Où qui commandé? Comment mon café pour garder espoir? Dans un monde bouleversé. Mais en bagaille ou pas sava. Moi m'en dis bon Dieu. Habiter en chez moi. Et y mettez espérance en dit dans moi. Et depuis jout à là, la vie moi ni en sens. Alors l'ami, pour vous aussi, et pas trop tard, mettez genoux à terre, et puis priez bon Dieu, et puis tout chéon, et ou que ouais, qui grand papa a que répond nous, parce qu'il en met un.